J'ai utilisé tout un barreau, je sais pas si je tiens debout. Je vais lui remplir tout son vent pour s'en servir le bout. La gauve va pleine de barreaux et les mains pleines de boue. Renan va tout beurrer. Ramène de mes graines d'eau. Oui, trône barreau, gangan barreau. Du mot, vite passé tout fait rimer au barreau. 9-3, je donne le top des parano. Top des parano, bip hop, les barres à mobile. L'actrice défonce la porte, c'est pour de la barreau. Je suis dans l'avion sous escorte des gendarmes. On me reproche plus de 21 000 grammes. Ce soir, c'est sûr, je dors à Guantanamo barreau. Ouais, c'est moi barreau, les poulards m'appellent carreau. On a vite crampé dès qu'il de barreau. Quand on trop parler, vas-y pas chez moi, ça l'a fait à la baie. Ouais, ouais, c'est chez moi. Ouais, barreau, dégrave la barreau, fournis la barreau. Ouais, ouais, ouais, barreau, ramène le barreau. C'est le barreau, ouais, barreau, libérez barreau. Ouais, libérez barreau. Ouais, barreau, libérez barreau. Ouais, barreau, libérez barreau. C'est un sommeil quand y'a plus d'amener. Ouais, où la police avance prudemment. Tout est lavé, plié, condamné. Gros avant pas haut pour les barres, compris plus d'un an. Jeanne Bangkok, mes frérots, j'en prends soin. Soin, soin, toujours mon frère, tout le monde sait bien. Que t'es qu'une bouche de choin, choin, choin. Parle-moi le français, on se sent pas chinois. La putain de sa mère, je vais faire juger dans 4 mois. Je vais tourner, je vais tourner. Merci, Hamdoullah. T'as parlé, c'est du gang gang gang. Toute la journée, caca, caca, caca. J'ai rien vu, j'ai rien entendu. Bande de macaques. Boutou Blancoc, let's see, tu m'as pas ta boîte, ferme ta gueule. Wesh, barreau, dégrave la barreau. Fournis la barreau, fais quand c'est barreau. Va chercher le barreau, ramène le barreau. C'est prêt le barreau. Wesh, barreau, ils vont libérer barreau. Wesh, barreau, ils vont libérer barreau. Wesh, barreau, ils vont libérer barreau. Wesh, barreau, ils vont libérer barreau. Bougez ce barreau. Yanso, bougez ce barreau. Yanso, c'est Baham. Bien sûr, c'est Baham. Je suis passé chez Soho.